Section 87 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 87. Croquis de Mars par Gustave Geffroy. Chapitre 3. Le vendredi saint des comédiens. Il y a relâche, ce jour-là, dans tous les théâtres de Paris, depuis Bobino jusqu'à l'Opéra. Tous les acteurs se reposent, depuis les marionnettes du théâtre miniature jusqu'aux sociétaires de la Comédie française. Un seul jour, les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques n'ont pas le souci du rôle, du déguisement, du phare, de la minute précise de l'entrée, de la réplique forcée. Un seul jour, ils peuvent déserter les loges pleines de fausses barbes et d'onguents, les corridors sombres, encombrés d'échelles et d'accessoires, les salles combles, chaudes, comme des fournaises, les salles désertes, froides, comme le pôle Nord. Et il se trouve que ce jour, c'est le vendredi saint. Comment ? Pourquoi ? Il n'y a pas à se donner le luxe d'une érudition facile, à citer ni vieux auteurs et les nouveaux dictionnaires. Le théâtre a toujours lutté contre l'Église, et la célébration du Vendredi Saint a été avec l'obligation de se faire enterrer, à part, comme les suppliciés, une des conditions de l'existence des comédiens tenus en sujétion. Qu'ils profitent donc de cette aubaine passée en habitude, qu'ils échappent, pendant une soirée, à la prose mélodramatique, au coq à l'âne féerique, au couplet de vaudeville, qu'ils conservent la grande tradition de promenade dans la banlieue et de noces champêtres à travers l'Italie sans feuilles. C'est, de grand matin, le départ en tapissière ou par un des premiers trains. C'est l'éparpillement de la bande à travers les villages suburbains et les bois qui avoisinent Paris. C'est le déjeuner et le dîner sur un tertre, sous la tonnelle ou dans la grande salle de l'auberge. C'est la promenade nocturne, les chœurs et les duos sous les étoiles, et le retour seulement le samedi, un peu avant le rideau. Ceux qui passent leur vie entre les portants, les arbres et les fleurs en bois découpés, sur le plancher immuable de la Seine, devant l'étoile de fond illusoire, prennent plaisir à marcher sur de la vraie terre, à contempler de vrais couchers de soleil. Ceux qui mangent des pâtés en carton dans les hôtelleries de théâtre aiment à étaler de vraies victuailles devant eux, à Robinson, dans la vallée de Chevreuse ou dans la forêt de Sénart. Les cabotins à menton bleu, les cabotines fardées, aux lèvres rouges de carmin, aux yeux noirs de kohl, tous ces blasés factices, toutes ces rouées ingénues de la Seine et de la ville poussent des cris d'enfants en cherchant des violettes dans les talus par les jours froids et ensoleillés du printemps de mars. À Paris, c'est tout ce que la vie embourgeoisée de l'acteur comporte encore de romans comiques. En dehors des heures de travail, le comédien et la comédienne se comportent fort tranquillement en commerçant retirés des affaires. Ils s'occupent de l'éducation de leurs enfants, collectionnent des bibelots, lisent des journaux financiers, élèvent des perruches. Le vendredi saint seulement, ils reprennent la gaieté de grande route et les allures buissonnières de la bohème d'autrefois. Voyez-les venir, égayés dans ce sentier, à la lisière de ce bois. Écoutez leurs propos rompus et leurs rires sans gêne. Pendant un instant, vous aurez la sensation que s'avancent vers vous Léandre et le destin, la rancune et la baguenaudière. Mademoiselle Angélique, Mademoiselle de Caverne et Mademoiselle de l'Étoile. Fin de la section 87, lue par Margot.